Un soir qu'il venait de partir et que la neige tombait, Sénécal se mit à plaindre son cocher. Puis il déclama contre les gants jaunes, le jockey club. Il faisait plus de cas de l'ouvrier que de ces messieurs. Moi, je travaille, au moins. Je suis pauvre. Cela se voit, dit à la fin Frédéric, impatienté. Le répétiteur lui garda rancune pour cette parole. Mais Regimbard, ayant dit qu'il connaissait un peu Sénécal, Frédéric, voulant faire une politesse à l'ami d'Arnoux, le pria de venir aux réunions du samedi, et la rencontre fut agréable aux deux patriotes. Ils différaient, cependant. Sénécal, qui avait un crâne en pointe, ne considérait que les systèmes. Regimbard, au contraire, ne voyait dans les faits que les faits. Ce qui l'inquiétait principalement, c'était la frontière du Rhin. Il prétendait se connaître en artillerie et se faisait habiller par le tailleur de l'école polytechnique. Le premier jour, quand on lui offrit des gâteaux, il leva les épaules dédaigneusement en disant que cela convenait aux femmes. Et il ne parut guère plus gracieux les fois suivantes. Du moment que les idées atteignaient une certaine hauteur, il murmurait « Oh, pas d'utopie, pas de rêve !» En fait d'art, bien qu'il fréquentât les ateliers où quelquefois il donnait par complaisance une leçon d'escrime, ses opinions n'étaient point transcendantes. Il comparait le style de M. de Marat à celui de Voltaire et Mlle Vanaz à Mme de Staël, à cause d'une ode sur la Pologne, entre guillemets, où il y avait du cœur. Enfin, Regimbard assommait tout le monde, et particulièrement des lauriers, car le citoyen était un familier d'Arnoux. Or, le clerc ambitionnait de fréquenter cette maison, espérant y faire des connaissances profitables. « Quand donc m'y mèneras-tu » disait-il. Arnoux se trouvait surchargé de besogne, ou bien il partait en voyage. Puis, ce n'était pas la peine, les dîners allaient finir.